nouvelle émission de Goodbye Kevin, la 305e émission. On va commencer avec un peu de musique brésilienne cette semaine avec Dalata et le morceau As Cravas de Jo. Et on enchaînera avec la musique toujours venue du Brésil avec l'artiste Sango et le morceau Angorotina. Para, para,

305 de Goodbye Kevin. Émission 305 de Goodbye Kevin. On écoutait Jura, Elena, Seditech, son morceau Every Molecule. Et on va enchaîner avec God Weezing, Rain Cry, une longue plage. On entend peut-être la pluie pleurer. On enchaînera juste après avec Radiohead et le morceau Idiotech issu de l'album Kid A. Radiohead qui repart en tournée mais qui passera pas par la France. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille dans l'émission Goodbye Kevin, la 305e. On vient d'écouter The Radio Department avec le morceau Sleeping In, sorti en 2006. Enchaîne avec deux nouvelles sorties, dernier album de Molly Ninson qui s'appelle Amateur avec le morceau All the Way, et juste après ça sera Automatique avec leur deuxième album. Thank you. Juste avant, on a écouté A1 avec le morceau No Return, issu d'une compilation Paradisco for Palestine. Je pense que vous avez compris pour quelle cause c'était. Et il y avait un petit air de Madonna, du coup on s'écoute un morceau de Madonna, Think of Me. On va terminer cette émission par deux morceaux dub, acid dub de Mad Cobra. Et good dub de Reality Soulja. Acid. C'était Goodbye Kevin, émission 305 sur Radio Campus Lille. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.